Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Hello les petits loups, content de vous retrouver pour cette deuxième émission de l'année et 187e émission, toujours dans la 7e saison sur Boom Momo, à l'écoute de Prune. Et on avait prévenu fin 2020 qu'on donnerait plus de cartes blanches aux assos et collectifs locaux, et d'ailleurs. Et on avait aussi dit qu'on allait essayer de mettre en valeur les filles qui émergent sur les scènes DJ de Nantes et d'ailleurs. Et donc ce soir, on rentre dans le vif du sujet avec la première des deux émissions du crew Fast et Furieuse. Alors les invités, Fast et Furieuse, c'est un crew féministe fondé par 4 DJ nantaises. On a eu le temps de les apercevoir dans différents lieux culturels de la ville ces derniers mois. Mais bon, avec le contexte, c'est désormais sur Prune uniquement qu'on écoute leurs sélections éclectiques et décapantes dans l'émission qui porte leur nom, le deuxième samedi du mois, de 20h à 21h. Donc, on va leur confier nos deux prochaines émissions, donc celle-ci actuelle, la 187 et la 188e, pour des mix de morceaux francophones et français, évidemment, hein, on est sur Boom Momo, on ne change pas la formule. Donc, beaucoup de groove ce soir, avant une section plutôt techno et cold wave la semaine prochaine. Pour les DJ, du coup, on a Dou, Tina, Tornade et Lidzi en B2B2B. Attention, c'est technique, terme technique de DJ. Vincent a insisté pour pas que je fasse de faute à la prononciation. Donc voilà, Vincent, c'est fait. Et du coup, pour la prochaine heure, et pour présenter leur crew Fast et Furieuse. Donc voilà, et ben écoutez, je découvre le mix en même temps que vous. Comme à chaque fois. J'espère que vous avez passé une bonne heure, que vous allez tous bien et on aborde la nouvelle année de la façon la plus sereine que possible. Voilà, je vous embrasse les petits loups et je vous dis à très bientôt. Ciao. Dis-moi quel est ton... Où t'es volé sur un jardin mouillé. Ta porte au soleil pâle qui glisse sur le sol. Ta maison dans l'hiver reste-t-elle verrouillée dans la ville qui meurt et peu à peu s'effeuille. L'oxygène mets-tu dans le creux de ta main. Made in Paris s'exporte un rêve de savane. La fuite somnambule du métropolitain. Une diffrande ordinaire pour le prochain latin. Que l'étrangère hier au tas du bout des doigts. Atmosphère en flacon, flacon dans l'atmosphère. Tournes-tu le bouton pour trouver une voix qui te dit. Butterflies are for losers. Cut your hair, you look like a loser. Love affairs Just give me a steel trap tonight. Just give me a steel trap tonight. Oh, tonight. Oh, tonight. Blonde hair, you look like a loser. Cut your hair, you look like a loser. Just give me black leather tonight. Just give me black leather tonight. Give me black leather tonight. Just give me black leather tonight. Yeah.

Discotheque. des amis, j'apporte des boissons. J'organise ça un mardi, est-ce que ça joue? On se pose des questions, beaucoup trop de questions. J't'ai déjà tout expliqué, tu demandes encore, tu vois tu compliques. J'sais que tu galères et t'as pas autre chose à faire. Dans mon numéro, dès que t'es au clair, tu perds pas tant, tu m'appelles. Monique et maillot pour choisir, soit le une pièce ou le deux pièces. Le fuchsia ou le vert, mais ça c'est trop. Je m'appelle Ishneye, pas peur.